déduite du prix du billet d'avion. Donc le mandataire aura payé juste la différence. D'accord. C'est-à-dire que voilà, avec le bon qu'on reçoit à la région, on peut prendre le billet de la métropole. Non, sur le bon qu'on reçoit à la région, il faut absolument acheter le billet à la Réunion. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Le voyageur, lui, il peut soit se faire rembourser, donc acheter son billet sur Internet ou en métropole. C'est le remboursement. Il doit faire son dossier, donc, à son retour de voyage en métropole. Il a un délai de 2 mois pour le faire. Ou alors, il y a l'autre solution. Il y a le bon et il y a une réduction immédiate sur son billet d'avion à l'agence de voyage à la Réunion. Ah, d'accord. Charles-Henri, vous avez bien compris ? Oui, j'ai bien compris. Je remercie Madame Seychelles. Merci. Merci pour votre question. Au revoir. Okay, au revoir. Vous êtes interpellé directement, Madame Seychelles. Merci. Merci à vous. Merci, Charles-Henri. Nous avons Valentine de Saint-Benoît. Bonjour, Valentine. Oui, bonjour. C'était pour la même question. Ah, c'était pour la même question, donc vous avez la réponse, alors. J'ai mon garçon là-bas et je voulais savoir si c'est moi ici qui dois faire la demande. Tout à fait, madame. Votre enfant est en métropole, il y a un mandataire, donc vous pouvez être son mandataire. Vous pouvez aller donc dans une des agences de la région, venir faire les démarches et recevoir le bon si votre dossier est complet et éligible, madame. Oui, mais il faut avoir toutes ses pièces à lui. Ah, tout à fait, madame. Il faut qu'il d'abord, il habite en métropole, c'est donc un avis d'imposition de métropole. Ok. Et donc, il faut la copie de sa carte d'identité. Oui. La copie de son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014. Oui. Le livret de famille. Ok. Il faut un original de l'acte de naissance de la personne qui est née à La Réunion. Ça, ce sont vraiment les pièces importantes. Voilà. Il y a la procuration, parce qu'il va vous donner procuration et vous devenez le mandataire, rempli et signé. Oui. Un justificatif de domicile de la personne qui est votre fils qui est en métropole. Oui. Alors, ça peut être électricité, eau, ou alors gaz ou téléphone. Oui. Et une attestation de non-sollicitation d'un autre dispositif d'aide au voyage que vous trouverez dans le dossier même, en page 5, à compléter et signer. Sa femme, il rentre dedans parce qu'il est marié avec une métropolitaine là-bas. Oui, alors ça, c'est vrai. Qu'en est-il de l'épouse et des enfants Yolande Coste? Eh bien, écoutez, s'ils ont des enfants, alors oui, si sa femme est métropolitaine, à ce moment-là, et c'est que ses enfants soient mineurs et qu'ils veulent venir ici en vacances en famille, la maman des enfants de ce monsieur aura droit, effectivement, à l'aide à la continuité territoriale, si donc les enfants sont mineurs et qu'elle voyage sur le même vol qu'eux. Ah oui, d'accord. Valentine. C'est bon, merci. Une précision, madame. Oui, Sébastien Podesserf. Oui, bonjour, madame. Oui. Une petite précision, le dossier doit d'abord être rempli par votre fils en métropole, signé, et le volet voyageur et la procuration, et ensuite doit vous être envoyé par voie postale avec les pièces complémentaires. D'accord, et là je prends un dossier et j'expédie pour lui. C'est lui qui... Non, oui. Lui... Alors, est-ce que c'est Valentine qui récupère le dossier, ou alors... De toute façon, on va en parler tout à l'heure, parce qu'on peut télécharger le dossier peut être téléchargé sur le site de la région réunion.com, à l'onglet La continuité territoriale. Son fils peut le télécharger, le remplir le volet voyageur, la procuration, joindre les pièces, envoyer par voie postale à sa maman, qui ensuite va faire les démarches au niveau des antennes. Voilà, Valentine, c'est beaucoup plus simple comme ça si c'est votre fils qui télécharge en fait le document. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Très bientôt. Votre famille se trouvant en métropole pourrait-elle prétendre à une aide de la région? Les démarches à faire, les conditions, les personnes éligibles, où se renseigner? Est-ce qu'il y a un délai pour en faire la demande? Le dossier est-il vite traité? On en parle avec nos invités, évidemment, sur la première, au 02 62 99 2000. Nous irons tout à l'heure retrouver Delphine au téléphone, et puis Edwige aussi, et puis par SMS pour toutes les questions au 06 92 70 2000. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. I light a cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. I light a cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, I'm watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. In America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Jusqu'à 11h30, la continuité territoriale. On en parle avec Yolaine Coste, la vice-présidente de la région Réunion en charge de la mobilité, accompagnée ce matin de Sébastien Podeserf et d'Annick Séchel du service mobilité. On n'a pas vraiment le temps de souffler, déjà beaucoup de monde au standard, on va y aller. Alors c'est Edwige qui est avec nous. Bonjour Edwige. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous allez bien Edwige? Ça va très très bien, merci, vous-même? Bah écoutez, on est très content de parler de la continuité territoriale. Hein. Ça, oui, moi je suis contente aussi d'écouter. Merci. Ça m'intéresse. Merci, c'est à vous, allez-y. Alors, mon fils, il vit en métropole. Moi, bon, évidemment, je vis à La Réunion. Il veut venir en fin d'année en vacances. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui au niveau de la région, s'il vous plaît? Est-ce que je peux faire au moins tout ça? Demande. Yolaine Coste. Donc, bonjour madame. Oui, effectivement, ça serait un beau cadeau de Noël s'il peut venir vous voir, j'imagine. Alors, le plus simple, c'est que lui-même aille sur le site de la région Réunion, télécharger le dossier dans son intégralité, remplisse la partie qui lui correspond, c'est-à-dire le voyageur. Mettre les pièces avec qui sont demandées, la carte d'identité ou le passeport, l'avis d'imposition, etc. Et ensuite, vous l'envoie par la poste. Ensuite, vous, qui êtes le mandataire, vous remplissez la partie qui vous concerne et vous rajoutez les pièces qui vous concernent, votre carte d'identité en particulier. Et avec tout ce dossier bien rempli, vous allez dans une de nos antennes et les agents qui sont là s'occuperont de vous. À partir de ce moment-là, très généralement, le bon est donné sous une heure. Quand le dossier est complet, la validation prend entre 30 minutes et une heure, on va dire. Vous aurez le bon, donc, immédiatement. Vous partez avec votre bon dans une agence de voyage ou dans une compagnie aérienne, ici à La Réunion. Vous achetez son billet, et voilà. Et c'est fini. Et il viendra vous voir pour Noël, et ça sera un beau cadeau. Le billet, j'envoie, ou bien c'est... Il peut y aller dans une agence en métropole, prendre son billet pour le billet d'avion, oui. Il ne peut pas aller dans une agence en métropole acheter le billet. Ah non, pas acheter, je veux dire. Récupérer, vous voulez dire? Non, les agences de voyage, vous savez, maintenant, les billets sont émis et envoyés par mail. Donc, vous allez payer le billet, et ensuite, l'agence de voyage enverra le billet par voie électronique à votre fils et à vous-même, en copie. D'accord. Voilà. D'accord. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour plusieurs raisons, nous ne pouvons pas conventionner, bien évidemment, avec l'ensemble des agences de voyage de métropole. C'est totalement irréaliste, puisque nous, ce qui se passe, c'est que quand les personnes vont dans une agence ici à La Réunion et que vous ne faites pas l'avance des 300 ou des 450 euros, l'agence de voyage est remboursée de cette somme par la région Réunion. Oui. Et la région conventionne avec certaines agences, quasi toutes ici, et les compagnies. Mais ça, c'est une démarche qu'il serait impossible de faire, bien évidemment, avec l'ensemble des agences de métropole. Oh oui. Les pièces à fournir, c'est indiqué dans le dossier, madame ? Toutes les pièces sont indiquées selon le cas dans lequel vous êtes, puisque vous savez que pour bénéficier de cette aide, il faut soit être né à La Réunion, soit être né d'au moins un parent réunionnais, soit être rattaché fiscalement à La Réunion, etc. Donc, selon le cas, il y a une partie du dossier qui est commune à tout le monde, et ensuite des cas particuliers. Mais c'est extrêmement bien expliqué dans le dossier que vous pourrez télécharger sur le site, ou récupérer dans une antenne, mais n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez très bien aller dans une antenne de la région, récupérer ce dossier, et les agents sont là pour vous expliquer, pour vous accompagner, pour vous guider. Vous savez, nous, notre souhait, bien évidemment, c'est que tous les Réunionnais qui le peuvent puissent bénéficier de ce dispositif. Ah oui, ça nous arrangerait pour lui, surtout. Hein. Merci Edwige. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci encore. Alors, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, Sébastien Potterf, donc on se déplace directement. Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, ils peuvent accéder directement. On leur transmet les dossiers. On peut les aider également à remplir même les dossiers. Vous les accompagnez, c'est ça. Oui, on les accompagne. On est là pour ça. Il y a des personnes qui ont des difficultés à les remplir. On est là pour les aider et dans toutes les antennes. Delphine est avec nous. Bonjour Delphine. Oui, bonjour à bonjour. Tous et merci pour votre émission. Merci. En fait, ma question, c'est que mon petit-fils vit en métropole avec sa mère. Oui. Et son père vit à La Réunion. Par contre, il porte le nom de sa maman. Il a 14 ans. Est-ce que ça sera possible ? Il porte le nom de sa maman. Il a 14 ans. Yolen Coste. Il est reconnu par son papa sur le livret de famille. Il y a les deux parents, il y a son papa qui est sur le livret de famille. Non, parce que la maman, elle s'est remariée. Mais bon, on a de bonnes relations. Lui, en fait, on cotise à chaque fois pour lui payer le billet. Mais comme maintenant, il a passé les 12 ans, ça nous fait un peu plus cher, quoi. Il porte que le nom de sa maman. Et sur le livret de famille, il n'y a pas le nom du papa. Parce qu'en fait, si vous voulez, la règle, c'est soit né à La Réunion, soit né d'un parent réunionnais. Il est né à La Réunion. Le petit ? Oui. Bah donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument aucun problème. S'il est né lui-même à La Réunion, il n'y a absolument aucun problème. Il est né à La Réunion, mais il porte le nom de sa maman, c'est ça ? Oui, mais ça peu importe. D'accord. Sur son livret de famille, sur son extrait de naissance, il est né à La Réunion. Donc, c'est ce qui nous. Il est né à La Réunion, tout à fait, voilà. En 2003. Ben, c'est... Et donc, mais les démarches, c'est à son père ici de faire les démarches ou... C'est exactement la même chose que pour les cas précédents. C'est-à-dire que sa maman avec qui il vit va remplir la partie du dossier, j'imagine, pour son enfant qui est avec elle, parce que c'est elle qui doit avoir, j'imagine, la pièce d'identité, etc. Tout à fait, et ensuite, elle va mandater donc son papa ici pour remplir la partie mandataire, et c'est son papa qui prendra le billet. D'accord, ok. Voilà. Bon, ben, c'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Merci. Bonne continuation. Merci à vous, Delphine. À très bientôt. Donc, on rappelle, parce que vous êtes très nombreux à nous demander les différentes antennes, Annick Seychelles, notamment pour récupérer le dossier pour la continuité territoriale. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'antenne régionale à Saint-André, c'est ça ? Oui, nous avons l'antenne d'Est à Saint-André. Je peux même vous donner le numéro de téléphone, le 02 162 58 21 00. Vous avez l'antenne Ouest à Saint-Paul. À Saint-Paul, oui. Le numéro de téléphone 02 62 33 46 00. Vous avez l'antenne Sud à Saint-Pierre, 02 62 45 99 31. Le CPOI aussi à Saint-Pierre, l'autre antenne. Au 02 62 70 07 38, vous avez une antenne au tampon. Au 02 62 38 56 04, vous avez aussi bien sûr à la pyramide inversée à la région à Saint-Denis, au Moufia. Au 02 62 48 71 42. Ou alors 02 62 48 71 43. Je vais vous préciser également les horaires d'ouverture, tous les jours de 8h à 15h et le vendredi 8h à midi. Annick Seychelles, Sébastien Podesurf et Yolande Coste sont à votre écoute évidemment sur la première. Et puis nous avons Raymond de Saint-Benoît. Bonjour Raymond. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, je vous téléphone pour savoir un petit peu. J'ai un fils qui vit en métropole. Et il y a des enfants, mais sa femme, les deux ne sont pas mariés. Est-ce que la famille a droit aussi des billets cogénité? Alors, deux enfants, ils ne sont pas mariés, mais ils habitent en métropole, hein, c'est ça, hein? Oui, oui. D'accord. C'est ça. Et c'est votre fils, en fait? Oui, oui. Non, oui. Jordan Coste. Sa femme est métropolitaine ou elle est née à La Réunion? Métropolitaine. D'accord. Sur les livrets de famille, c'est bien la maman des deux enfants? Oui, c'est la maman des enfants, oui. D'accord. Et si ces deux enfants sont mineurs, eh bien oui, elle pourra avoir droit à l'aide si elle voyage sur le même vol qu'eux. Donc s'ils viennent en famille, le papa, la maman et les deux enfants mineurs, à ce moment-là, les quatre personnes auront droit à l'aide. L'idée, c'est vraiment de permettre à la cellule familiale de venir ici, de venir voir les grands-parents, voilà. D'accord. Et pour les billets, il faut prendre sur La Réunion ou il faut prendre sur la métropole? Donc, si vous prenez les billets en métropole ou par Internet, à ce moment-là, on ne fera que du remboursement. Par contre, si vous voulez avoir des bons, c'est-à-dire que l'aide vienne en déduction du prix d'achat, à ce moment-là, ça ne peut se faire qu'à La Réunion. Qu'à La Réunion. Qu'à La Réunion. Et c'est vous qui devrez les acheter ici, si vous êtes, vous, le mandataire. Oui. Ok, d'accord. Raymond. Il faut les... Oui. Le revenu d'impôt aussi, non? Ah oui, bien sûr, c'est soumis à conditions de ressources. C'est le quotient familial que nous regardons. Et ce quotient familial va déterminer si on a une aide de 300 euros ou de 450 euros. Si le quotient familial est compris entre 0 et 6 000 euros, l'aide sera de 450 euros. Et elle sera de 300 euros si ce quotient familial est compris entre 6 000 et 26 030 euros. Et comme ils travaillent pour eux-mêmes? Et ça, il faut voir la feuille d'impôt, monsieur, comme ça, c'est trop, je peux pas vous dire. Mais de toute façon, ils déclarent l'impôt, même s'ils travaillent pour eux-mêmes. Donc, c'est avec cette feuille-là qu'on pourra exactement vous dire à quelle aide ils ont droit. Le montant des aides et le quotient qu'on demande est le même dans le sens Réunion Métropole et Métropole Réunion. On a essayé de faire un dispositif pour que ça soit facile à comprendre par tous, qui soit en miroir, on dit, c'est-à-dire à peu près la même chose des deux côtés. Voilà. Voilà Raymond. Et monsieur, oui, alors attendez Raymond. Oui, Sébastien Podocerf. Oui, bonjour monsieur, je voulais vous rappeler que c'est à votre fils de faire la démarche en métropole, de télécharger le dossier, de le remplir, de le signer, d'y joindre les pièces et de l'envoyer par voie postale, de vous l'envoyer et ensuite vous d'aller dans une antenne de région pour la suite, pour obtenir le bon et aller dans l'agence. Mais comment on prend au mois d'octobre? On peut prendre les documents et essayer de ramener, non? Pour le mois d'octobre? Oui. Pour le mois d'octobre, non, il faut que le dossier soit réalisé en amont, avant de partir. Il faut que votre fils remplisse le dossier et vous le transmette avec toutes les pièces. Oui, mais on peut prendre le dossier d'ici, d'amener là-bas, pour le remplir. Ah, si vous voulez, parce que vous-même, vous allez visiter votre fils en métropole? Oui. Ah oui, vous pouvez prendre le dossier avec vous, le remplir quand vous êtes ensemble, et puis vous le ramènerez complété, bien sûr. Merci Raymond. Merci bien. Merci. Allez, alors depuis le 16 août, effectivement, donc il y a la continuité territoriale qui est aussi valable pour ceux et celles qui sont en métropole. Donc sans métropole Réunion, et ça rencontre un vif succès depuis qu'on a démarré tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de questions qui concernent ceux qui sont en métropole. Alors il y a avec nous Martine. Bonjour Martine. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, ma question est, ma fille, elle habite en métropole. Ah oui? Mais elle est pacsée avec son copain. Oui. Donc, et les enfants portent le nom de leur père. Et j'aimerais savoir pour eux comment ça se passe. Alors, ils sont pacsés. Ils vivent ensemble, mais la déclaration d'impôt, ils le font chacun de leur côté. Chacun de leur côté. Sébastien Podocerf, pour répondre alors, à Martine. Votre fille est née à La Réunion? Elle est née à La Réunion, elle est pacsée. Elle est pacsée, le pax c'est comme le mariage, et ses enfants sont mineurs? Deux enfants mineurs, mais qui portent le nom de leur père. D'accord. Ben écoutez, il y a pas de problème. Toute la famille peut bénéficier à la continuité territoriale à partir du moment où on ne déplace pas le plafond fiscal qui est de 26 000... 0,30 euros. On parlera tout à l'heure des conditions, évidemment. Chacun de leur côté. Il faut les deux on prendra les deux avis d'imposition. Ah d'accord. Voilà. Donc il faut... Et c'est quoi le truc de mandataire? J'avais entendu tout à l'heure, là. Qu'est-ce que c'est que le truc de mandataire? Alors, le truc de mandataire, c'est... J'avais pris en quoi l'émission? Oui. C'est que les gens qui sont en métropole peuvent avoir l'aide sous deux formes. Soit ils se font rembourser quand ils sont revenus en métropole, oui, d'accord, du montant du bon de la continuité territoriale, soit ils veulent avoir l'aide en amont pour que le montant du bon vienne en déduction du coût d'achat du billet. Et à ce moment-là, il faut que ça soit des gens qui, sur place, fassent les démarches pour eux. C'est comme une procuration. C'est comme une procuration, si vous voulez, un mandataire. La personne qui est en métropole donne procuration à quelqu'un, c'est soit quelqu'un de sa famille, soit sa marraine, soit enfin, bon, quelqu'un qu'il connaît bien, il lui donne procuration et cette personne-là va faire les démarches ici à La Réunion pour lui, qui est en métropole. C'est mais ça. Pour payer le billet, il faut que ce soit payé ici, à La Réunion. C'est ça. On achète le billet ici à La Réunion, oui. D'accord. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. À très bientôt. Yolande Coste, la vice-présidente de la région Réunion en charge de la mobilité. Avec ce matin, donc, Sébastien Podeserf et Yannick Sechel du service mobilité. Des questions, les réactions au 02 62 99 2000. Papa chanteur, maman douceur, pleure pas. Pleure pas, bébé bonheur. La fille vient de faire une fleur à papa chanteur. Tu t'invites chez moi sans en être prié, mais tout au fond de moi, c'est toi que j'attendais. On se sert un peu plus, tu tiens tellement de place. Et depuis ta venue, je me regarde en face faire mon premier pas, faire mon premier geste, et l'enfant que je vois m'a pris tout l'amour qui me reste. Papa chanteur, maman douceur, pleure pas bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur. J'aurai mes plus beaux souvenirs. Je n'ai pas de passé, tu es mon avenir. J'ai grandi sans savoir ce qu'était la tendresse, la douceur d'un regard et la main qui caresse. Toi, tu es de ma chair, de mon sang, de mes larmes et de toutes les guerres que j'ai gagnées pour toi sans arme. Maman douceur, pleure pas bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur, maman douceur, pleure pas bébé bonheur. Ils sont venus les jours meilleurs à papa chanteur. Je te dirai quand tu auras grandi mes espoirs, mes regrets, d'où je viens, qui je suis. Pour toi, j'inventerai un monde imaginaire. Celui qui m'a manqué, moi, je n'avais pas de père. Je n'avais qu'un prénom, c'est trop peu pour un homme. Je me suis fait un nom, et ce nom-là, je te le donne. Papa chanteur, maman douceur, pleure pas bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur, maman douceur, pleure pas bébé bonheur. Ils sont venus les jours meilleurs à papa chanteur. Souvenir sur la première avec Jean-Luc Lahaye, Papa Chanteur, la continuité territoriale, on en parle évidemment sur la première. Nous irons retrouver au standard Nadine et puis aussi Céline au 02 62 99 2000. L'éclipse annulaire de soleil du 1er septembre 2016 sera un événement exceptionnel. Elle sera visible à La Réunion de 12h20 à 15h40. Attention, le soleil ne peut être observé directement qu'en utilisant des filtres spécialement conçus pour protéger les yeux. Le port de lunettes spécifiques constitue un moyen simple et sûr pour observer l'éclipse. Ces lunettes sont des équipements de protection individuelle et doivent être conformes aux dispositions prévues par les directives européennes et porter le marquage CE de conformité. Première. Yolaine Coste, vice-présidente de la région Réunion en charge de la mobilité, ce matin est accompagnée donc de Sébastien Podeserf et d'Annick Sechel du service mobilité. Le standard de la première, Nadine est avec nous. Bonjour Nadine. Bonjour. Oui, en fait ma question concerne mon fils a fait un voyage sportif au mois de mai. Donc, comme il n'avait pas son avis de non-imposition, parce que c'était sa première demande qu'il faisait cette année, donc automatiquement, il fallait qu'il attende là, il vient de recevoir la semaine dernière. Et je veux savoir si c'est encore remboursable, le billet. Si le billet est encore remboursable, oui. Yolaine Coste. Je pense, madame, qu'il s'agit d'un billet dans le sens Réunion Métropole. Oui, voilà. C'est ça. Il a fait le National 3 de volleyball, donc le club a payé, mais il lui demande s'il peut se faire rembourser par la région. Oui. Annick Sechel. Oui, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Il est revenu, il est de retour quand, votre fils ? Ben, il a fait une semaine, en fait. Ah oui, il a deux mois pour déposer le dossier à l'antenne, à une des antennes de la région. Deux mois. Oui, comme j'avais dit à Saint-Leu, en fait, quand ils ont demandé, il n'avait pas l'avis non imposition. Oui, il est revenu, il est parti quand, madame ? Donnez-moi exactement. Au mois de mai. Il est revenu quand ? Il est revenu le 15. Le 15 ? Le 15 ? De quel mois ? De quel mois, madame ? Ce mois de mai. 15 mai ? Le 15 mai. Ouais. Ah, il n'a pas fait aucune démarche, madame ? Il fallait qu'il attende son avis de non imposition. Ah là, ouais. C'est trop tard, madame. Vous avez deux mois au retour du voyageur pour faire la démarche, madame. D'accord. Non, parce qu'il fallait qu'il attende. Et donc, comme il a reçu son avis non-imposition la semaine dernière seulement, il y a deux semaines. Donc, le délai est passé, vraiment c'est de ça. Deux mois. Ouais. À votre retour, d'accord. Vous avez deux mois pour faire la démarche, madame. D'accord. Donc là, c'est trop tard. Non, là, c'est trop tard. Désolée, madame, c'est trop tard. Vraiment trop tard. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci madame, à vous. Merci, Nadine. Courage, à très bientôt. Céline est avec nous. Bonjour, Céline. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, je dois partir en métropole en 2017, mais je n'ai pas d'enfant là-bas. Est-ce que je pourrais avoir de l'aide, s'il vous plaît ? Alors, vous devez partir en 2017, c'est ça ? Oui. Et vous n'avez pas d'enfant là-bas ? Non, c'est pour les vacances. C'est pour les vacances, oui. Yolaine Coste. Oui, donc ça, c'est la continuité que nous connaissons depuis voilà, maintenant 5 ou 6 ans. Hein, c'est dans la Réunion Métropole, voilà. Voilà. Oui, bien sûr, vous pouvez partir en métropole, même si vous n'avez pas d'enfant là-bas. D'accord. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire ou pas ? Ben non, justement. Vous ne savez pas quoi faire. Alors, vous habitez Saint-Benoît. Oui. Annick Sechel. Alors, vous habitez Saint-Benoît, madame, donc vous pouvez vous rendre dans une des antennes de la région. Oui. À Saint-André. Saint-André, par exemple, oui. À Saint-André. Oui. Je peux vous donner l'adresse si vous voulez. 92 Chemin Lebon à Saint-André. D'accord. Le numéro de téléphone est le 0262 58 21 00. Oui. Mais je vous informe déjà que pour les dossiers 2017, ils ne sont pas encore sortis. Hein. Les dossiers 2017, il faudra venir nous voir vers mi-octobre, début novembre, madame. Voilà, à partir de la fin d'octobre. Non, moi je dois partir en juillet 2017. Bon, c'est ça, madame. Donc vous avez encore le temps, mais nous n'avons pas encore les dossiers en ce moment. Ils seront disponibles sur le site et dans les antennes mi-octobre, début novembre, madame. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Sébastien Podeserf, les conditions, les personnes éligibles, alors, et puis on va aussi parler de ce plafond, évidemment. Si vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît. Alors, déjà, il faut que les revenus fiscaux, que le quotient familial soit inférieur à 26 030 euros. 26 000, hein. Ouais. 26 030 euros. Alors, comment calculer le quotient familial ? Vous prenez le revenu net imposable sur l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 et vous le divisez par le nombre de parts. Si vous avez un revenu de, je sais pas, de 200 000 euros, vous le divisez par le nombre de parts, divisé par 3, ce qui fera 33 000 euros. Là, vous dépasserez les 26 000 30, vous ne serez pas éligible. Mais, et donc, si vous êtes en dessous de 6 000 euros en quotient familial, vous pouvez bénéficier d'un bon de 450 euros. Et si vous êtes entre 6 000 et 26 000 30 euros en quotient familial, vous pourrez bénéficier d'un bon de 300 euros. On rappellera évidemment les conditions et puis les personnes qui sont éligibles. Marie-Laurence est avec nous. Bonjour Marie-Laurence. Bonjour. Bonjour. Je vous appelle du tampon. Donc je voudrais avoir un renseignement concernant mon frère qui réside en Martinique. Il est rayonné, ouais. Il est né à La Réunion, il a vécu, il a fait ses études et tout, il est parti en métropole. Ensuite, il a rencontré sa bien-aimée. Et donc, il est allé s'installer ensuite à la Martinique. Donc, de cette union, il est une petite fille et je voudrais savoir si, parce que ma mère aimerait profiter de sa petite fille. Oui. Ouais. Donc, je voudrais savoir si dans ce cadre-là, il pourrait bénéficier du bon de la continuité de métropole à La Réunion. De la métropole à La Réunion. Parce qu'en fait, oui. Il vient à la Martinique. D'accord, oui. Donc, forcément, il va faire Martinique-Réunion, Réunion, mais... pardon. Martinique-Métropole, Martinique-Métropole, Métropole-Réunion. Voilà. Guyane Coast. Pour ceux qui sont dans les autres départements d'outre-mer, qui sont obligés de passer par la métropole. Oui. C'est ça. On a à ce niveau-là, sur le principe, bien évidemment, oui, il est né à La Réunion, il veut revenir voir sa famille, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait dans l'ordre des choses, si vous voulez. D'accord. Il n'y a pas de problème. Oui. Notre seul problème, quand même, c'est qu'il y a une aide de l'État, vous le savez, hein, de la DOM, hein, de ce qu'on appelle la DOM, donc qui est l'opérateur de l'État en termes de mobilité, que peuvent avoir les résidents dans les DOM de la Caraïbe. Sur la portion du voyage, Martinique-Métropole ou Guadeloupe-Métropole. Voilà. Or, si vous voulez, les deux aides ne peuvent pas se cumuler. Il ne peut pas y avoir un cumul. Par exemple, votre frère, il ne peut pas prendre l'aide de la DOM pour faire Martinique-Paris et puis l'aide de la région Réunion pour Paris Réunion. D'accord, ça, c'est interdit de cumuler des aides publiques. D'accord. Donc, il faut qu'on trouve la solution et on est en train de le faire. C'est pour ça que pour le moment, on dit on ne fera que du remboursement parce qu'on est en train de voir comment on peut s'organiser pour être sûr qu'il n'y a pas ce cumul d'aides qui serait hors légalité, si vous voulez. Bien sûr, mais sur le fond, oui, on le fait, on s'organise pour le faire. Alors, j'en profite, puisque vous posez la question pour les DOM, pour les pays étrangers, par exemple, toute la diaspora qui est au Québec réunionnaise, on a 1000 réunionnais au Québec, qui sont partis en mobilité pour faire leurs études, etc. Donc, ou en Belgique, ou ailleurs dans le monde. Si vous voulez, c'est la même chose. Sur le principe, nous, la volonté qu'on a, c'est bien évidemment que les familles se retrouvent, donc qu'elle soit en métropole ou ailleurs, dans d'autres pays. Mais vous savez que là, on a fait 4 mois expérimental. C'est la même chose. Pour eux, notre difficulté, c'est de calculer le quotient familial, parce qu'on sait très bien le faire sur des feuilles d'impôt françaises. Mais après, chaque pays a sa fiscalité. La fiscalité du Québec, elle n'est pas celle du Guatemala ou d'autres pays. Là, je comprends que pour vous, c'est un DOM. Donc, c'est pas dans le cadre du DOM, je vous dis, on fera dans l'immédiat, sur ces 4 mois d'expérimentation, du remboursement. On le fera pour les gens qui y habitent et pour d'autres raisons, donc hors de France, hors des DOM, dans des pays étrangers, on ne peut pas, si vous voulez, donner de réponse immédiatement dans nos antennes à une personne pour savoir s'il y a un cumul d'aide ou comment on calcule l'impôt au Guatemala ou dans d'autres pays. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans un premier temps, on ne fait que du remboursement sur ces billets-là. On fera du remboursement et puis ensuite, on verra comment on peut ajuster. Mais dans un premier temps, c'est du remboursement pour qu'on puisse vérifier dans le cadre des DOM qu'il n'y ait pas de cumul d'aide. Et dans le cadre des pays étrangers, qu'on sache calculer l'impôt, parce qu'à chaque fois, il faudra qu'on se renseigne, on regarde, on interroge, pour qu'on ait quelque chose d'équivalent aux questions familiales. D'accord. Donc, en l'occurrence, là, s'il souhaitait venir pour l'été prochain, mois de juillet, donc vous pourriez m'apporter un élément de réponse éventuellement, ça sera les 4 mois seront passés. C'est ce que je vous dis. Donc là, on a fait le dispositif est expérimental jusqu'au 31 décembre de cette année, 2016. Ensuite, on va revoter comme on le fait tous les ans, aux alentours, comme vous l'a dit Madame Seychelles, aux alentours du mois d'octobre environ, fin octobre, début novembre, le dispositif pour l'année 2017. D'accord. Et à ce moment-là, on va regarder comment on peut ajuster nos aides, et en particulier pour les DOM, donc, voir comment on peut être absolument certain du non-cumul de l'aide avec les aides de l'État. D'accord. Vous voyez ? Donc, sur 2017, pour le moment, il voyagerait là en novembre, je vous dis, on peut faire que du remboursement. D'accord. Il pourrait prétendre quand même à un remboursement. De son billet de métropole. Oui, s'il est éligible par ailleurs. Oui. Oui, s'il est éligible par ailleurs, oui, si son quotient familial est. Et oui, oui, si. Voilà. S'il est éligible par ailleurs, voilà, on ferait du remboursement. Mais par contre, en 2017, on va regarder si on maintient ça, parce qu'on ne sait pas vérifier sur place pour donner un bon. Si vous voulez, le problème, c'est de vérifier quand le mandataire vient dans une antenne, que la personne qui valide le dossier, qui va valider à Saint-Denis le dossier, puisse vérifier immédiatement si un cumul des aides avec l'État. Et ça, c'est très compliqué à faire pour nous. Mais, voilà. Mais quoi qu'il en soit, au mois de juillet l'année prochaine, il pourrait quand même bénéficier d'un remboursement. Voilà. Si venait à se rendre ici à La Réunion. C'est ça, mais il ne faut pas qu'il y ait de cumul. Hein. Il ne faut pas qu'ils prennent sur le premier tronçon l'aide de l'État et sur le deuxième l'aide de la région Réunion. Quoi. D'accord, mais dans ce cas-là, il faudrait un justificatif de comme quoi il n'a pas bénéficié de la DOM de l'autre côté. C'est ça, et que nous, on puisse le vérifier en direct si on voulait faire des bons. Mais à mon avis, ça sera très compliqué. C'est pour ça pour le moment, on a fait du remboursement, parce que là, c'est carré, administrativement, c'est carré. Ça, on peut vérifier a posteriori, c'est carré, si vous voulez. D'accord. Mais donc, il pourrait y prétendre, même en 2017, vous me confirmez, le remboursement. Ben, c'est ça. On maintiendra le remboursement, oui, aussi sur l'année 2017. Oui, l'idée, c'est que les gens qui sont nés à La Réunion puissent revenir voir leur famille à La Réunion. D'accord. Voilà. Voilà, Marie. Je vous remercie. Marie-Laurence, Sébastien Podocerf. Oui, attendez. Oui, je voulais rajouter une petite précision concernant les Caraïbes et concernant les Réunionnais qui habitent au Québec et ceux qui habitent à l'étranger. Le voyage doit toujours passer par la métropole, impérativement, et c'est cette portion que nous aidons dans le cadre de la continuité territoriale. Oui, maintenant c'est le cas, parce que pour venir à La Réunion, il est obligé de passer par la métropole. Voilà. Merci Marie-Laurence. Je vous remercie, au revoir. Au revoir. Merci à vous. Dans un peu plus de 2 minutes, l'info de 11h avec la première, et puis on saura juste après avec notamment Philippe au standard, et puis également d'autres personnes qui patientent sur la continuité territoriale, avec beaucoup de questions également par SMS au 06 92 70 2000. Harrison, faut lever ma maille pour nous aller l'école. Une ou deux pains frais avec les choux dans le bol. Y'a ton anneau dessus la table. Oublie pas, prépare mon goûter bonheur avant nous prendre le carte à l'air. Mettre confiture avec mon pédobert. Où nous tombe pas fait bon heures, ça même enfants nous tend, enfants longtemps, ça même notre génération, pas pour ça nous les plicouillons. Nous les bien contents, on trouve notre camarade pour nous jouer canette salée. Rappel Pedro sur la première, il est 11h. L'info de la première avec Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce mardi 30 août, deux jours après la mise en place du dispositif post-attaque, un requin bulldog a été capturé la nuit dernière dans l'Ouest. Le squale, qui pèse environ 200 kilos, a été pêché au niveau de Boucan-Canotte, là même où un bodyboarder a été attaqué et grièvement blessé samedi dernier. C'est le comité régional des pêches qui est chargé par la préfecture de mettre en place ce dispositif réunionnais de réduction du risque requin. Son secrétaire général Ludovic Courtois sera notre invité dans le journal de midi. Dans cette édition de la mi-journée, nous irons également à la cour d'assises qui juge depuis hier un homme d'une trentaine d'années accusé de viol sur sa femme, sa nièce et d'agression sexuelle sur sa fille. S'il reconnaît les faits commis sur son épouse, il nie les autres accusations. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu d'ici ce soir. Autre décision judiciaire attendue aujourd'hui, celle qui concerne Maurice Gironcel. Visé par des réquisitions de 6 mois de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité, le maire de Sainte-Suzanne est mis en cause pour tentative d'achat de voix à la veille du second tour des élections municipales de 2014. Le délibéré doit être prononcé à 14h. Nous reviendrons sur cette affaire dans notre prochaine édition. J-2 pour l'éclipse de soleil. Le phénomène sera visible jeudi après-midi depuis notre île. Cette éclipse, beaucoup d'enseignants vont l'utiliser pour des travaux pratiques avec leurs élèves. À condition qu'ils ne fassent pas grève, d'une part, car certains profs disent manquer d'informations sur les risques d'observation du phénomène pour la santé des enfants et sur leurs responsabilités en cas d'accident. Et d'autre part, à condition que les écoles ne soient pas fermées par leur ville. Ce sera notamment le cas à Sainte-Marie, on l'a appris hier. Fermeture d'écoles annoncée également l'après-midi ou bien toute la journée dans d'autres communes de la Réunion. C'est le cas au Tampon, à la Plaine des Palmistes ou encore à Petite-Île. C'est une idée qui pourrait être une solution durable pour éviter l'isolement des personnes âgées et régler le problème de logement de certains étudiants. La cohabitation entre un Gramoun et un étudiant. Une expérimentation est en cours à La Réunion à l'initiative de l'association Reste Pas Seul. À Saint-Denis, Suzy, 85 ans, accueille cette année un étudiant de 30 ans dans son appartement du chef-lieu. Reportage dans notre prochaine édition. Et puis ce midi, juste après le journal de la rédaction, à 12h15, c'est dans l'actu sur Réunion Première Radio, sera consacrée à l'aide médicale à la procréation. Le seul centre privé à La Réunion se trouve au port. Il fête ses 30 ans le week-end prochain. Un centre qui a déjà permis 4000 naissances pour les couples infertiles. Les invités de Philippe Dornier seront le docteur Jean-Claude Vic, gynécologue et cofondateur du centre d'aide médicale à la procréation du port. Michel Saint, biologiste. Aurélia Hubert-Delisle, directrice de la communication du groupe Clinifutur et patiente du centre d'AMP du port. Vos questions et vos réactions par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 0692 70 2000, également sur les réseaux sociaux via Twitter avec le hashtag CDLaPremière et sur la page Facebook de l'émission. Il est 11h03, on fait tout de suite un tour de l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Pierre Gattaz, ce matin dans Les Échos, salue les propositions économiques de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé ou bien de François Fillon. Les principaux candidats à la primaire de la droite sont attendus à partir de cet après-midi et jusqu'à demain à l'Université d'été du MEDEF. Elle se déroule comme chaque année sur le campus d'HEC à Jouy, en Josas, tout près de Paris. Nicolas Sarkozy au centre des critiques hier soir à Colomiers, près de Toulouse. Meeting de rentrée de la majorité pour le Premier ministre Manuel Valls, le président du parti Les Républicains, représente une menace considérable qui impose son agenda à la droite et s'assoit sur les grands principes de la Constitution. Des policiers ou bien des employés de sécurité devant chaque école et crèche de la ville de Nice dès jeudi pour la rentrée scolaire. Un mois et demi après l'attentat du 14 juillet, l'annonce ce matin sur France Bleu Azur du président de la région PACA, Christian Estrosi. C'est reparti à la préfecture de Mayenne à Laval pour les négociations entre producteurs laitiers et Lactalis. Troisième réunion en quelques jours. Une éventuelle sortie de crise si le géant du secteur accepte les conditions des agriculteurs. Revoir à la hausse les prix d'achat du lait. Certains ont passé la nuit devant une quinzaine de sites de Lactalis. C'est ce qui s'appelle avoir un gros pépin. Apple pourrait bien devoir régler des milliards d'euros. La Commission européenne doit infliger aujourd'hui une amende à la marque à la pomme. Une sanction pour avoir bénéficié d'un traitement fiscal avantageux en Irlande. Il est 11h05, un coup d'œil sur la météo. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Alors, il fait plutôt beau dans l'ensemble et même de Saint-Denis à Saint-Pierre avec un soleil qui réchauffe surtout l'atmosphère. Et puis, dans l'après-midi, le temps sera plus nuageux dans les cirques, sur le relief. Des précipitations sont même attendues sur les hauts du nord-ouest. Il fera gris également du port à Saint-Paul et également dans le sud sauvage. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. La continuité territoriale, on en parle sur la première jusqu'à 11h30 avec nos invités. Yolaine Coste, vice-présidente de la région en charge de la mobilité. Annick Seychelles et Sébastien Podesserf du service mobilité. Votre famille se trouvant en métropole pourrait-elle prétendre par exemple à une aide de la région? Quelles sont les démarches à faire? Nous reviendrons sur les conditions, les personnes éligibles qui sont-elles surtout, et puis où se renseigner? Est-ce qu'il y a un délai pour en faire la demande? Le dossier est-il vite traité? 02 62 99 2000, et on vient vous chercher au standard de la première juste après. Composé pour parler de la continuité territoriale, le 02 62 99 2000 sur la première. Première. Et mes invités, mes experts sont là pour répondre à toutes les questions. Yolaine Coste, Sébastien Podesserf et Annick Seychelles de la région Réunion. Nadège est avec nous. Bonjour Nadège. Oui, bonjour. Bonjour, c'est bonjour. À vous. Je vous ai une question, c'est pour ma belle-sœur. Là, votre belle-sœur, oui. Qui est en métropole. Oui, elle est métropolitaine et mon beau-frère béni à la Réunion. Oui. C'est pour savoir si elle a le droit aussi. Alors, c'est votre belle-sœur voilà, oui. qui est née en métropole et qui habite en métropole. Oui. D'accord. Yolaine Coste, Annick Seychelles, Sébastien Podesserf, oui. Allez-y. Bonjour madame. Bonjour. Votre belle-sœur, elle est née à La Réunion ? Non, elle est métropolitaine, mais, mon beau-frère, il est réunionnais. Ah, elle est mariée. C'est votre beau-frère, vous ? Oui. D'accord. Elle est mariée à une personne qui est née à La Réunion ? Oui. Est-ce qu'ils ont des enfants, madame ? Oui, mais les enfants sont majeurs. Ah, il n'y a pas d'enfant mineur ? Non, il n'y a pas. Ah non, votre beau-frère, lui, il a droit parce qu'il est né à La Réunion. Oui. Mais votre belle-sœur, non, bah parce qu'il n'y a pas d'enfant majeur, elle n'est pas née à La Réunion. D'accord. Pour avoir droit à cette continuité territoriale dans le sens métropole-Réunion, Il faut, dans un premier cas, être né à La Réunion. Oui. Ou alors, je suis né d'un parent natif de La Réunion. Oui. Donc, ce n'est pas le cas, donc non. Elle n'y a pas droit. Elle n'a pas droit, d'accord. Voilà. Mais son beau-frère, oui. Son beau-frère, oui. Lui, il est né à La Réunion, oui. Il y a droit. D'accord. Et par contre, je vous ai posé la question aussi pour mes deux petits beaux à moi, pour savoir s'il faut leur extrait d'acte de naissance pour faire la demande, s'il vous plaît. Les deux petits bouts, c'est-à-dire mes deux petits-enfants à moi. Vos deux petits-enfants. Oui. Leur père est réunionnais. Le père réunionnais, maman réunionnais aussi, réunionnaise. Et les enfants sont nés en métropole. En métropole, oui. Ah, donc, il faut l'acte de naissance d'un des deux parents. Un des deux parents qui sont nés à La Réunion. Un des deux. Un des deux, alors, c'est voilà. Pas les deux. C'est pas les deux, bah. Un des deux, c'est suffisant. D'accord, oui. Voilà. Et les enfants, non. Les enfants, non, puisqu'on est en métropole. Oui, d'accord. Voilà, madame. Mais merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci, Nadège. Oui, Sébastien Podesserf. Je tenais à préciser que la demande d'acte de naissance est gratuite dans toutes les mairies. Oui. Puisqu'il existe des sites sur Internet qui font payer très cher. Elle est juste à la mairie, puis récupérer le document, voilà. C'est gratuit. Il y a des sites qui font payer jusqu'à 69 euros, qui vous promettent un acte de naissance en 48 heures. L'acte de naissance qui n'arrive jamais, par contre, les 69 euros sont encaissés. Merci de la précision, merci beaucoup. Philippe de Saint-Pierre, bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi, j'ai un fils qui fait des études en métropole depuis 6 ans à peu près. Oui. Et il n'a bénéficié qu'une seule fois de ce retour parce qu'il est en métropole. Donc métropole Réunion à l'époque, ça ne se faisait, on ne remboursait pas, on n'était pas, il n'y avait pas la DOM. Oui, donc là, ils viennent refaire ce voyage aller-retour métropole Réunion. Il est rentré fin juillet. Est-ce que il peut bénéficier sur le billet? Au moins la partie du retour, l'aide de la DOM. Alors là, vous parlez de la DOM, là, on est sur la continuité territoriale. Hein. Ou la continuité territoriale, est-ce qu'il D'accord, peut on reste sur la continuité territoriale, oui. Annick Seychelles. Oui, alors votre fils, il est revenu quand, monsieur ? Il est arrivé à La Réunion au mois de juin, et il est reparti 30 juillet. Ah non, monsieur, le dispositif de continuité territoriale Métropole Réunion a été mis en place le 16 août. 2016. Je l'entends bien. Mais sur le retour Réunion Métropole, est-ce qu'on peut bénéficier d'une aide ? Non, monsieur, parce que ça va se faire Métropole Réunion Métropole. Il faut qu'il ait pris un billet d'avion aller-retour. Alors là, il a pris un billet d'avion aller-retour, mais comme la loi est sortie après, l'aide est sortie après, donc oui. On peut pas bénéficier, c'est ça ? C'est ça, non, c'est son départ, c'est la date de départ, monsieur. Même s'il avait acheté son billet avant le 16 août, mais son départ de métropole était le 16 août ou le 17 août, oui, il aurait D'accord. pu en bénéficier. Mais comme il a voyagé au début juin, il est reparti fin juillet, il ne peut pas y prétendre, monsieur. D'accord. De la Réunion, il aurait fallu que le départ de La Réunion soit le 16 août ou au plus tard. 16 août et après le 16 août, monsieur. D'accord. Voilà. Tant pis. Je vous remercie. Merci, monsieur. Nous irons retrouver Nicole de Saint-Benoît dans quelques secondes sur la première. Réunion Première, c'est la radio pays. Bonjour La Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. C'est ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la radio pays. Nicole de Saint-Benoît, bonjour. bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'ai ma belle-sœur, elle vit en métropole, mais elle est née à l'étranger et ses deux parents sont rayonnés. Est-ce qu'elle a droit à la continuité territoriale, s'il vous plaît? Vous démarrez sur les chapeaux de roue et puis tout d'un coup, est-ce qu'elle a droit à la continuité territoriale, s'il vous plaît? Yolande Costa. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, si elle est née donc au moins d'un parent réunionné, mais en l'occurrence, je vous dites que c'est les deux parents, à ce moment-là, oui. Elle y a droit parce qu'un de ses parents est réunionné. Même si elle est née à l'étranger. Même s'ils sont décédés. Ah oui, même s'ils sont même décédés. Même s'ils sont décédés. Oui. D'accord. Oui. Et son mari, non. Son mari, c'est un métropolitain. Non, sauf s'ils avaient des enfants mineurs et qu'ils voyagent tous ensemble, que la famille voyage. Oui. Alors là, il y aurait droit parce que c'est les enfants mineurs qui ouvrent le droit, si vous voulez. D'accord. Mais si ce n'est pas le cas, non, il n'a pas le droit. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Au revoir, merci bonne journée à vous, Nicole. Chantal de la Montagne. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour. Je vous appelle pour un petit renseignement puisque je prends votre émission en cours. Et la question a peut-être déjà été posée, mais je voulais donc une réponse à ma question quand même. Oui. J'ai donc ma belle-sœur et mon beau-frère qui sont nés à La Réunion. Ils ont des enfants qui sont nés en métropole. Et je voulais savoir si les enfants pouvaient bénéficier, profiter de la continuité territoriale. Les enfants sont mineurs ? Non, ils sont majeurs. Yolande Costa. Oui, la règle, c'est être né à La Réunion ou être né d'au moins un parent réunionné. En l'occurrence, votre sœur et votre beau-frère sont nés à La Réunion, donc leurs enfants, majeurs ou mineurs, ont droit à l'aide à la continuité territoriale. Ah, mais c'est génial. Donc, malgré qu'ils soient nés en métropole... C'est génial, vous avez raison. C'est top. On est d'accord. Les enfants étant nés en métropole, ayant des parents nés à La Réunion, peuvent bénéficier de cette continuité territoriale, bien qu'ils soient mariés. Oui. Et vivant en métropole, on est d'accord. Il n'y a pas de... Pour les enfants des parents nés à La Réunion, il n'y a pas de limite d'âge. L'idée, c'est vraiment, génial, si vous voulez, de que la mobilité soit alternante et que les familles puissent se retrouver ici ou en métropole. Alors pendant 5 ans, on a fait en sorte que la Réunion puisse s'ouvrir au monde et que les Réunionnais puissent aller visiter leur famille qu'ils n'avaient pas vue depuis souvent très longtemps. Parfois, ils n'avaient jamais voyagé. Voilà. Et maintenant, on complète le dispositif en faisant en sorte que les Réunionnais qui ont fait le choix de faire des études, de travailler, etc., de la Réunion, puissent revenir voir leur famille pour que la boucle soit bouclée et que la mobilité soit réellement alternante et que le lien familial puisse exister. Malgré que les parents habitent la métropole, on est d'accord, hein ? Mais les parents sont nés à La Réunion. Les parents sont nés à La Réunion, ils vivent en métropole, ils ont eu des enfants qui sont nés en métropole. Oui, les parents peuvent revenir, ils peuvent tous revenir dans le cas particulier. Qui sont nés à La Réunion, qui habitent en métropole, qui sont fiscalisés en métropole, peuvent revenir parce qu'ils sont nés à La Réunion, eux, et leurs enfants sont bien nés de parents nés à La Réunion. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ça, hein. Chantal, j'ai noté, vous avez dit 3 fois, c'est génial. Ah bah oui, c'est génial. Hein. 4 fois, là. Ah non, merci à Lydie Robert, en tout cas. Hein. Merci. Non, écoute, on transmettra. Ah bah oui, hein, parce que moi-même, j'en ai profité, donc merci Lydie Robert. Hein. Merci, j'ai bien Chantal. Fait d'avoir voté Lydie Robert, en tout cas. Hein. Merci, écoutez. Chantal, à bientôt voilà. Sur la première. Allez, au revoir. Alors, on va, avant de retourner au standard, rappeler le numéro vert Sébastien Podesserf, et puis alors surtout les antennes où les gens peuvent se déplacer et se renseigner. Oui, je vais vous rappeler ce numéro vert qui, il faut insister, c'est un numéro gratuit depuis les postes fixes et les portables de la métropole et de la Réunion. C'est le 0800 097 400. 0800 097 400, appel gratuit depuis tous les postes métropole Réunion de 8h du matin à 21h le soir. Ce numéro vert, hein, oui, à 21h. De 8h à 21h. À 21h, ce qui permet aux métropolitains, après le travail, de nous appeler. Et ils auront toutes les informations sur les différents dispositifs Réunion Métropole et Métropole Réunion. Et puis après, les antennes régionales. Au niveau des antennes régionales, toutes les informations pourront être données aux Réunionnais et les dossiers également dans l'antenne sud à Saint-Pierre, l'antenne ouest à Saint-Paul, l'antenne est à Saint-André, à la Pyramide également, au CPOI à Saint-Pierre également et au Tampon dans notre nouvelle antenne. Nous avons Daniel de Saint-Paul. Bonjour Daniel. Bonjour monsieur Lannes. Bonjour, parlez monsieur. Plus fort s'il vous plaît. Sur le sujet. Alors moi, je voulais savoir juste un truc. Apparemment, j'ai tout compris parce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Juste pour savoir s'il y a une date butoir avant la, enfin, la quelque prochaine, la personne voudra voyager. La date butoir, oui, c'est ça. La date butoir pour le voyage. À quel moment serait-il voilà. préférable de faire les démarches Le délai, par exemple, hein, voilà, c'est ça. Ben, ouais. Serait préférable de faire à quel moment pour le mois de juillet de l'année prochaine, par exemple. Pour le mois de juillet 2017. Voilà, 2017. Yodan Coast. Actuellement, on ne peut faire des bons que pour les voyages qui ont lieu jusqu'au 31 décembre 2016. D'accord. Et puis on va revoter le dispositif fin octobre à peu près pour l'année 2017. Et donc c'est... ça veut dire que dès que le truc sera validé, on peut faire la demande pour le mois de juillet, même si c'est un peu avant, c'est pas grave. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous faites un bon de continuité territoriale, il est valable 2 mois. Pendant 2 mois, vous pouvez l'utiliser et aller dans une agence de voyage pour récupérer un billet. D'accord. Ah, il est valable 2 mois. Il est valable 2 mois. Le billet, on peut l'acheter 2, 3, 4 mois avant, c'est pas grave. Bah, si vous l'achetez, vous pouvez acheter un billet pour voyager en juillet, au mois de février, il n'y a aucun problème. Voilà, supposons que le voyage se fait au mois de juillet. Les démarches, on peut les faire maintenant ou bien faire début d'année? Vous ne pouvez pas les faire maintenant parce que le dossier de 2017, il n'existe pas encore. Voilà, non, du moment que le truc sera revoté. Voilà. À partir que c'est revoté, on peut faire la démarche. Vous pouvez tout à fait faire la démarche. Alors, vous avez votre bon. Ce bon, si vous l'utilisez dans les 2 mois pour aller acheter un billet, même si vous utilisez ce bon en février pour acheter pour voyager en juillet, il n'y a aucun souci, ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, si vous faites le bon, par exemple, en février, mais que vous n'achetez pas le billet, eh bien, ce bon deviendra caduque au bout de 2 mois et il faudra revenir dans une antenne pour faire réactiver le bon. D'accord ? Mais vous ne referez pas tout le dossier. On réactivera le bon, on dit. D'accord ? Voilà. Et là, vous pouvez le faire, en fait, à partir du moment où c'est ouvert le dispositif pour 2017, vous venez dans une antenne, vous faites toutes les démarches qui vont bien, vous prenez le bon et vous pouvez acheter votre billet d'avion pour juillet 2017. D'accord, c'est bien voilà. compris, je vous remercie à tous. Merci. Je vous en prie. Et merci pour votre émission. Merci Daniel, et merci aux experts de la région Réunion pour la continuité territoriale d'être là ce matin. Annick Seychelles, l'aide s'élève à peu près à combien? C'est une question qui arrive très souvent par SMS. On a parlé de 450 euros, c'est ça à peu près? Voilà, l'aide est en fonction du quotient familial. Bien sûr. Alors, pour calculer le quotient familial, il faut aller voir sur l'avis d'imposition le revenu imposable, le montant du revenu imposable. Il faut le diviser par le nombre de parts. Le résultat que nous trouvons doit être inférieur à 26 030. Alors, si le résultat est compris entre 0 et 6 000 euros, vous avez droit à une aide de 450 euros. Si le résultat est compris entre 6 000 et 26 030 euros, vous avez droit à un bon de 300 euros. Et pour toute la famille, s'il y a une famille, 2 enfants, le papa, la maman et les enfants, la famille, le papa et la maman y ont droit. J'insiste, c'est pas une seule personne, c'est toute la famille. C'est toute la famille. Voilà. Il reste très peu de temps pour joindre Mathias au standard de la première, patiente Serge de Saint-Philippe, et puis il y a aussi Daniel, hein, c'est ça Mathias. Oui, Sébastien Potzerf. Oui, juste une petite précision, le bon de 300 euros, c'est un bon maximal. Si un bébé voyage et que le billet coûte 100 euros, le bon sera de 100 euros. C'est bien aussi ça. Serge de Saint-Philippe, bonjour Serge. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, j'ai une petite question à vous poser là. Hein. Oui. J'ai une sœur, ça fait une quarantaine d'années qu'elle est partie en métropole et elle n'est jamais revenue ici. Oui. Ouais. Et son mari est décédé et elle est avec sa fille qui en est en métropole et sa petite fille qui est encore mineure. Oui. Est-ce que tout le monde peut avoir droit pour la continuité, s'il vous plaît? Alors ça concerne votre sœur, ça fait 40 ans qu'elle est partie. Hein. Oui, oui. Ouais. Alors, oui. Annick Seychelles. Oui, alors votre sœur est née à La Réunion. Oui, oui. Donc votre sœur, elle a droit. Vous m'avez dit qu'elle a un enfant majeur. Oui, qui travaille. Elle a sa petite fille aussi. Une petite fille, sa fille. Non, oui, et l'enfant majeur, elle a son propre avis d'imposition ou est rattachée au foyer fiscal Non, elle a son propre avis d'imposition. Oui. Et l'enfant n'est pas né à La Réunion. La fille majeure. La oui, mais comme sa maman est née à La Réunion, elle y a droit. Sa grand-mère qui est née à La Réunion. C'est sa grand-mère, oui. En fait, il y a 3 générations. Il y a votre sœur qui est née à La Réunion et elle y a droit, il n'y a pas de discussion. Sa fille, votre nièce, donc, voilà, qui est née en métropole, mais d'une maman qui est née à La Réunion, donc elle y a droit aussi. Et la fille, la fille donc, de votre nièce, qui, elle, est née en métropole. C'est exactement ça. Donc la petite, il n'y a pas droit. La plus jeune, si vous voulez. Parce qu'elle n'est ni née à La Réunion, ni née d'un parent né à La Réunion. D'accord. Voilà. Mais donc pour ma soeur et pour ma nièce, elle aura droit. Oui. Oui. Oui. D'accord. Voilà. Ben, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Merci à vous. À très bientôt. Daniel est avec nous. Daniel de Saint-Denis. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais avoir un petit renseignement concernant mon frère qui vit en métropole depuis X années. Oui. Et donc, j'ai un neveu et une nièce qui sont mariés. Oui. Et je voulais savoir qui peut prétendre dans la famille. Ils ont chacun ont un bébé. Enfin, un petit. Oui, oui. Je voudrais savoir qui peut prétendre à ce voyage. Qui pourrait prétendre donc dans la famille, c'est ça, hein? Dans la famille. Oui. Annick Seychel. Oui, bonjour madame. Bonjour. Alors, je réponds d'abord pour votre frère. Votre frère, il est né à La Réunion. Oui. Donc lui, il y a droit. Oui. D'accord. Est-ce qu'il est marié? Divorcé. Il a des enfants? Il a deux enfants, mais majeurs, hein. Deux enfants majeurs qui sont nés en métropole. Qui sont nés en métropole. Oui, ils ont droit. Et qui sont mariés et qui ont des petits-enfants. Alors, les enfants majeurs, ils y ont droit parce qu'ils sont nés d'un parent natif de La Réunion. Il n'y a, a pas de problème. Oui. Et ces enfants, est-ce qu'ils ont des enfants aussi, vos neveux? Oui. Mineurs ou majeurs? Chacun a un petit. Chacun a un petit. Non, ben, les petits n'ont pas droit, madame. Les petits, non, parce qu'il pourrait y avoir droit, il faut être né à La Réunion ou né d'un parent natif de La Réunion. D'accord. Sa femme non plus n'a pas droit. Non plus, madame. Là, les deux conditions premières, être né à La Réunion ou être né d'un parent natif de La Réunion. D'accord. Voilà, madame. Bien. Je vous remercie. Je vous en prie, madame. Merci pour votre question, Daniel. Annecy de Saint-Denis, de Sainte-Rose, pardon. Annecy, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour cette émission, c'est super. Merci aux experts de la région Réunion. Voilà, c'est ça. Merci. Donc en fait, moi, ma question, elle rejoint un peu Daniel, en fait. J'ai ma cousine donc, qui est en métropole. Elle est, donc son père est un natif de la Réunion. Et elle voudrait revenir donc en vacances. Et moi, ma question, en fait, c'était de savoir si ses enfants et son mari y a droit. Donc apparemment, non. Vous avez la réponse, apparemment, Annecy. Vous avez bien compris, là, oui. Voilà, depuis tout à l'heure, je vous écoute et je n'avais pas eu cette réponse-là. Juste avant, donc vous l'avez répondu. Donc, elle y a droit, mais les enfants et son mari, non. Elle y a droit. Vous parlez de votre sœur, là, c'est ça? Votre cousine. Non, c'est ma cousine. Ah, pardon, voilà. C'est votre cousine, oui. Voilà. Donc, elle a son père qui est né à La Réunion. Oui, d'accord. Et, donc, elle y a droit. Mais les enfants, donc ses enfants, elle et son mari, ils n'auront pas droit. Sébastien Potzerf. Oui, alors, votre cousine, donc, y aura droit et son père également y aura droit. Si vous voulez, sur le site de la région, nous avons une foire aux questions, avec toutes les questions possibles, inimaginables, sur tous les cas, qui pourrait vous éclairer également. Et voilà. Donc, foire aux questions. Vous allez sur le site régionreunion.com, vous cliquez sur la continuité territoriale et ensuite sur foire à questions. D'accord. Bon, moi, je vais aller faire un tour. Merci beaucoup. Allez-y, c'est très rapide et c'est bien expliqué, surtout. Oui. Merci, Annecy. Merci, au revoir. Et puis nous allons terminer avec Michel de Saint-Denis. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, merci pour cette émission. C'est très intéressant et puis comme ça, donc on a des réponses. Alors moi, j'ai deux personnes. La première, c'est ma maman. Votre maman. Elle s'est remariée donc avec un Belge. Oui. Et maintenant elle est veuve. Donc, veuve. Donc alors, est-ce qu'elle a droit ou vous faut attendre un petit peu que ça se met en place pour les gens qui habitent l'Europe? Elle est en Belgique, c'est ça? Oui. Elle est en Belgique. Donc elle a perdu son mari. Oui. Voilà, elle est toute seule. Oui. Donc, très bien. Donc ça c'est pour la première question. Yolande Coste vous répond. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Votre maman a une feuille d'impôt en Belgique? Oui, c'est ça. Très bien. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous devons apprendre à lire les feuilles d'impôt des pays qui ne sont pas la France. Donc jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 31 décembre, oui, elle y a droit, mais elle y aura droit en remboursement. Et oui. Je vous invite à appeler les services de la région. On fera une simulation avant qu'elle ne prenne son billet d'avion pour être sûr qu'elle y a bien droit, pour pas qu'elle le prenne bien et qu'ensuite, pour une raison X ou Y, elle n'y ait pas droit. Parce que je ne sais pas répondre, les services ne savent pas répondre directement à la lecture de la feuille d'impôt dont on n'a pas l'habitude. Bien sûr, on s'est renseigné pour les principaux pays, etc. Mais il va falloir quand même ajuster un peu les choses et on ne pourra le faire qu'en remboursement, en prenant le temps de bien regarder. Voilà. Parce qu'en plus, elle est retraitée, donc... Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais en Belgique, par exemple, ce sont des prélèvements à la source. Oui. Donc, les feuilles d'impôt sont très, très différentes de celles de la métropole et on est obligé de travailler sur une équivalence, si vous voulez. On le fait, mais à tête reposée, pas dans les antennes, parce qu'il faut répondre vite à l'usager. Il est là pour avoir rapidement, etc. Donc, on le fait sous forme de remboursement. Néanmoins, pour pas que les gens achètent des billets d'avion et après soient déçus, qu'on puisse pas servir l'aide, vous pouvez tout à fait vous rapprocher du service de la région, notamment au téléphone de la pyramide que vous avez sur tous les documents. Et à ce moment-là, on regardera plus précisément ce cas très particulier, donc d'une dame bien née à La Réunion, mais qui vit en Belgique. En Belgique. Voilà. Est-ce que j'ai la possibilité de récupérer avec elle ses feuille d'impôt ou sa feuille d'impôt et venir le présenter à la région pour Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça sera peut-être plus simple comme ça. Ça pour que je puisse donc le réceptionner sur mon email et puis après je. Voilà, vous venez à la région, vous prévenez éventuellement pour qu'on puisse trouver quelqu'un de disponible pour vous répondre, puisque dans les équipes il y a des gens qui sont plus particulièrement sensibilisés à certains dossiers. Celui-là, les gens vivant à l'étranger, c'est un dossier très particulier. Donc, autant que la personne responsable soit là ce jour-là. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, pour ma sœur. Oui, votre sœur. Elle est partie en même temps que ma maman. Donc, on était en jeune. Oui. Maintenant, elle est restée aussi en Belgique. Oui. Elle a une petite fille et son mari. Oui. Donc, c'est votre sœur, née à La Réunion. Lui ne travaille plus pour l'instant, mais elle, oui. Et donc, une petite fille, c'est ça? Là, voilà, ils ont une petite fille. La petite fille est donc, la fille est donc mineure? Mineure, oui. Ok. Donc, bien sûr, elle y a droit. Votre sœur est née à La Réunion ou née en Belgique? Née à La Réunion. Née à La Réunion. Votre maman et votre sœur sont nées à La Réunion. Très bien. Donc, votre sœur y aura aussi droit, sa fille aussi, puisqu'elle est née de votre sœur, donc d'un parent réunionnais, et son mari, s'il voyage, même s'il est né en métropole et s'il n'est pas né à La Réunion, mais s'il voyage avec sa fille mineure sur le même vol, à ce moment-là, il y a droit s'il est de nationalité française. Non. Nationalité belge. Ah, il est de nationalité belge. Il est même marocain, nationalité belge. Voilà, donc... Alors là, c'est encore un peu plus compliqué. Sur les conjoints qui peuvent voyager, pour le moment, pour des raisons équivalentes un petit peu à celles du calcul d'impôt, de complexité, si vous voulez, là, on demande qu'effectivement, les conjoints soient nés en métropole, soient de nationalité française, enfin. Donc voilà. Donc là, dans le cas particulier, votre maman, votre sœur et sa fille auront droit. Voilà. Lui, il a une feuille d'impôt de Belgique. Je comprends. Mais dans ce cas très particulier, je vous invite donc à venir avec tous les documents à la région, nous l'avions dit précédemment. Mais ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que donc votre maman, votre sœur et sa fille auront droit à la continuité territoriale. Voilà. Voilà. Merci, Michel. Merci. À très bientôt. Le numéro vert, le 0800-097-400 pour tous les renseignements. Et puis, merci beaucoup, franchement, d'avoir été avec nous ce matin, parce que les auditeurs sont très, très contents et ravis d'avoir pu avoir des éléments d'information, notamment sur la continuité territoriale dans le sens métropole-réunion. Merci à vous de nous avoir invités et on est à la disposition des réunionnaises et des réunionnais vivant ici, bien sûr, et puis vivant en métropole aussi, pour que ce lien familial qui est tellement cher au cœur de tous les Réunionnais, puisse être maintenu. Merci Yolaine Coste, la vice-présidente de la région Réunion en charge de la mobilité, accompagnée de Sébastien Potserf. Merci encore. Merci et à Nick Seychelles, merci à très bientôt. Merci à vous. Du service mobilité. À très bientôt. Quand mon esprit l'a renié, d'un seul coup moi l'a compris, mon cœur l'a causé. La ville est comme un la soir, la ville est comme un soir, la ville est comme un soir, la ville, c'est toi l'éclair dans le ciel. La ville est comme un soir, au miroir mon cœur. Chaque moment, moi la traversée. Oh, oh, oh, ils se battent, ils se battent dans mon bois. Ils se battent, cristallin ciel, moi la veillée. Dans mon rêve, c'est les miroirs. Toujours dans le feu noir, sans moi c'est un brouillard, il monte sans la paix. Comme capon, il was esprit, mon étincelle a couru, mon cœur est désert. Pour essayer de m'élever, mon ticket m'a laissé causer, et dévinguer. Déployé, mon cristal m'a retrouvé, mon musique l'a brillé. La ville est comme un soir, la ville est comme un soir, la ville, c'est toi l'éclair dans le ciel. Se battre dans mon voile. la vie d'un mouvoir. Cristal dans le ciel, Franck Grondin sur la première. À 12h15 avec Philippe Dornier, il sera question de l'aide médicale à la procréation dans C'est dans l'actu. Le seul centre privé de La Réunion se trouve au port. Il fête ses 30 ans le week-end prochain. Donc un centre qui a permis 4000 naissances pour les couples infertiles. Vous allez pouvoir réagir de 12h15 à 12h45 dans C'est dans l'actu au 02 62 99 2000. C'est Sting One, word. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. We get a lighter. That's how it's supposed to be. Living young and wild. Keep that in and free. So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real, if you don't know me, keep it playing with my bros. It look clean, don't it? Watched it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on it. Roll up bigger than King Kong's fingers and burn them things down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the day, I'm with your chick smoking gray. You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Relevant. Selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk, like a leaf, or put the in the chain. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young. Even care, long as me and my team in here, it's gonna be some green in the air. Tell them Mac, blowing everywhere we going, and now you know when I step right up, get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own the building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it. THC, MAC, DEV, HD3. It's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun, and we don't care who sees. So what, we go out. Je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. Je m'endors, me réveillerai-vous, il fait si froid dehors, le restant. la pièce. En ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Ici de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur. Que tes promesses en veux-tu. Voilà ma vie, je me suis pris des couilles dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne branche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonner. Si je m'endorme, réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. L'une des meilleures ventes de disques en ce moment en métropole, Claudio Capeo sur la première. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Première. Il est midi moins 10 sur la première, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Monsieur Brandon Paul William, dit Loulou. Monsieur Brandon Paul William, dit Loulou. Décès survenu le 29 août à l'âge de 84 ans. Le convoi sortira de son domicile au 26 allée Ognard, ligne Paradis. Aujourd'hui à 14h45, la bénédiction aura lieu en l'église de la ligne Paradis à 15h30, l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Monsieur Lolji Joudianan, ancien bijoutier. Monsieur Lolji Joudianan, ancien bijoutier, décès survenu hier à l'âge de 90 ans. Une veillée se tient au centre funéraire de Prima. La bénédiction religieuse aura lieu cet après-midi à 15h au centre funéraire de Prima, suivi de la crémation. Décès de Monsieur Guégano Michel Lucien. Monsieur Guégano Michel Lucien, domicilié au 44 avenue des Indes, résidence Les Prunelles, appartement 16 à Saint-Pierre. Décès survenu à l'âge de 59 ans. Un recueillement aura lieu au centre funéraire de la commune Prima, demain, mercredi 31 août, à partir de 14h, suivi de la crémation. Décès de Monsieur Robert Sébastien, fils du facteur de la Plaine des Palmistes. Monsieur Robert Sébastien, fils du facteur de la Plaine des Palmistes, décès survenu hier à l'âge de 24 ans. Le convoi sortira au 27 rue Bertin Robert à la Plaine des Palmistes. Donc à 15h30 aujourd'hui, pour ce mardi 30, pour la bénédiction qui aura lieu en l'église de Sainte-Agathe à la Plaine des Palmistes à 16h, l'inhumation cimetière de la Plaine des Palmistes. Décès de Madame Hassani Gladys Lucienne Sylvie, née Bertrini. Madame Hassani Gladys Lucienne Sylvie, née Bertrini. Décès survenu hier à l'âge de 80 ans. Le convoi sortira de son domicile au 3 rue des Poivriers à la cité scolaire de Saint-Benoît. Aujourd'hui à 14h45 pour la bénédiction en l'église de Saint-Benoît, l'inhumation cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Lérivain Edmond. Monsieur Lérivain Edmond, décès survenu hier à l'âge de 95 ans. Le convoi sortira de son domicile au 12 rue Maurice Thérèse à la rivière des Galets au port. Aujourd'hui à 14h30, la bénédiction se fera en l'église de la rivière des Galets à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de la Possession. Décès de Madame Francom, Marie Léonie Antoinette, plus connue sous le nom de Madame Guy. Madame Francom, Marie Léonie Antoinette, décès survenu le 28 août, à l'âge de 81 ans. Le convoi sortira de son domicile au 43 chemin bout du Cap Langevin. La bénédiction se fera en l'église de Langevin aujourd'hui à 16h, suivie de l'animation cimetière de Vincent Doux. Décès de Madame Junot, Emma Hermina Roseline. Madame Junot et Emma Hermina Roseline, décès survenu hier à l'âge de 80 ans. Le convoi sortira de la chapelle ardente du Tampon aujourd'hui à 11h30. La bénédiction se fera à la chapelle ardente, l'animation cimetière de Saint-Louis. Décès de Madame Gara Anne Gilberte. Madame Gara Anne Gilberte, décès survenu hier à l'âge de 72 ans. Le convoi sortira de son domicile au 1 chemin Joseph Oulia aujourd'hui à 16h15. La bénédiction aura lieu au domicile à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Piton-Saint-Leu. Et le décès de Madame Larocque Louise, demeurant à Bois d'Olive, chez Madame Oireau. Décès survenu hier à l'âge de 77 ans. Le convoi sortira du centre funéraire sud aujourd'hui à 15h pour la bénédiction et l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Quelques communiqués pour ce mardi 30 août en raison de travaux de raccordement sur la conduite principale. La distribution en eau sera interrompue alors pour demain, mercredi 31 août. C'est de 8h à 15h, sauf incident, sur les secteurs suivants, notamment sur chemin Vidotte ainsi que sur toutes les voies adjacentes. Donc ce communiqué de la CISE Réunion, vous pouvez suivre l'évolution de ces informations sur le site internet www.cise-réunion.re. Et puis le communiqué de Sudéo qui informe ses abonnés de la commune du Tampon que suite à des travaux sur le réseau jeudi 1er septembre, la distribution en eau sera interrompue de 8h à midi sur les secteurs suivants. Si vous habitez le secteur de Chemin Fourcade au Tampon, Chemin Hervé Basque et les voies adjacentes, vous pouvez suivre aussi là l'évolution de ces informations sur le site internet www.sudéo.re. Et puis l'EFS qui communique évidemment ses collectes de sang prévues pour demain, mercredi 31 août. Ce sera à la salle des fêtes de la Plaine des Pelmistes de 8h30 à 12h30. Et puis mercredi Marmaille à l'EFS de Saint-Pierre, c'est de 13h à 17h. Première. Où ça nous ça va sur la première? Madame Jeanne fait pas quitter son capeline, elle a peau danse avec un authentinoté. Gramoun rock la débloque son vieux rein, l'y danse tout seul, l'y batte la main. Comme tu veux donner à l'île, ton gamou noir, fais rouler, tu fils, c'est qui aime la cadence, musique ton pays. Comme tu veux donner à l'île, ton gamou noir, fais rouler, tu fils, sa cadence, pays. Tant que ma tenue, si mon débatte, ma gain roule, mon gars me va content, à tes baba. Même si moi les fatigué pendant toute la soirée, me va faire tourner. Tant que ma tenue, si mon dépatte, ma gain roule, mon cigare me va content à tes baba. Même si moi les fatigué pendant toute la soirée, me va faire tourner. Madame Jeanne fait pas quitte son capeline et la peau danse avec un authentique vide. Ramon Rock la débloque son vieux rein, il danse tout seul, il bat la main. Comme tu me donnes un lit dans ces gamous noirs, fais rouler, tu fils, si tu aimes la cadence, musique ton prix. Comme tu me donnes un lit dans ces gamous noirs, fais rouler, tu fils, sa cadence prix. Tant que ma tenue, si mon départ, ma gain roule, mon cigare me va content à tes babas. Même si moi les fatigué pendant toute la soirée, me va faire tourner. Tant que ma tenue, si mon départ, ma gain roule, mon cigare me va content à tes babas. Même si moi les fatigué pendant toute la soirée, me va faire tourner. Comme tu veux donner à lui ton cigare noir, fais rouler, tu fils, si tu aimes la cadence, musique ton prix. Cadence pays où ça nous ça va sur la première. Très bon appétit à tous, il est midi. Le journal de Réunion Première, Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Deux jours après la mise en place du dispositif post-attaque, la capture d'un squale hier soir à proximité de Boucan-Canotte. Les précisions dans un instant de Ludovic Courtois, le secrétaire général du comité des pêches et l'invité de notre journal. Au menu de cette édition également deux décisions judiciaires attendues dans les prochaines heures à la cour d'assises. Tout d'abord, un homme d'une trentaine d'années est accusé de viol sur plusieurs membres de sa famille. Le parquet vient de requérir 15 ans de prison. Et puis l'autre jugement qui doit tomber aujourd'hui en correctionnel, cette fois, c'est celui de Maurice Gironcel, accusé de tentative d'achat de voix. Le procureur avait demandé 5 ans d'inéligibilité à l'encontre du maire de Sainte-Suzanne lors de son procès le mois dernier. Rappel de cette affaire dans cette édition. Dans ce journal également, nous parlerons de l'éclipse du soleil prévue jeudi après-midi et des communes qui ont fait le choix de fermer leurs écoles. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Réunion Première. Deux jours après l'attaque d'un bodyboarder, c'était samedi après-midi sur le spot de Boucan-Canotte. Il a été grièvement blessé. Un requin bulldog aurait été capturé hier soir sur ce secteur dans le cadre du dispositif de réduction du risque requin. C'est le comité régional des pêches qui est en charge de la mise en place de ce plan post-attaque décidé par la préfecture. Nous sommes en ligne avec le secrétaire général du comité, Ludovic Courtois. Monsieur Courtois, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous confirmez la prise d'un requin hier soir ? Tout à fait, je confirme que donc suite à de meilleures conditions météo, donc les engins de pêche qui avaient été installés depuis samedi soir ont commencé à payer puisque nous avons eu deux déclenchements sur des